Consultez la programmation des spectacles à venir sur lebaldulezard.com. Bonsoir et bienvenue à Terra Incognita, votre rendez-vous hebdomadaire. Ce soir, on commence l'émission avec un nouvel extrait de l'album de Marco Bernard, un des membres du fameux groupe The Samurai of Prague. C'est son premier disque sous son nom et le titre, c'est The Boy Who Wouldn't Grow Up, référence à Peter Pan. Et je vous disais la semaine dernière que malgré le fait que c'est un disque solo, finalement, ça aurait pu tout simplement être un disque de Samurai of Prague. On y retrouve beaucoup, beaucoup de musiciens qui évoluent dans l'univers de Samurai of Prague. Et puis, on aura aussi, ça c'est une résurrection, on pourrait dire, d'un groupe italien, Cormorano, un groupe qui a été fondé dans les années 70 et qui, comme bien des groupes de la période d'or du rock progressif italien, mais n'a pas en disqué tout simplement. Et le premier disque paraît finalement en 2000, sous le titre de Giro Tondo, Giro Fuori Sena. Et un nouvel album vient de paraître 23 ans plus tard, sous le titre de Obliguizioni d'Autunno. Et puis, par la suite, Marc, on s'en va pas très loin de l'Italie, on passe à la France. Oui, en effet, on aura un second extrait de l'album Equilibrium de la formation Polychrome, ils sont de Paris, et c'est le projet des deux frères Maxime et Simon Sénizerguès. C'est leur premier album, un album concept. Et c'est l'histoire d'un personnage qui est en quête constante d'équilibre. Alors on aura la pièce Boundary Hill et ce sera suivi de la formation norvégienne Seven Impale qui vont faire paraître le 26 mai prochain leur troisième album intitulé Summit. Alors leur premier était paru en 2014, leur second en 2016. Alors on aura pour vous ce soir en primeur la pièce Icaros de ce nouvel album de Seven Impale. Également, à partir de 21h30, on a un spécial de 60 minutes avec les formations italiennes Quelque dice il tuono et The Lost Vision of the Chandu Priest. Et si on vous parle de ces deux formations-là aujourd'hui, c'est qu'elles seront au Festival Terra Incognita, édition 2023. Alors le 20 mai, on aura la formation The Lost Vision of the Chandu Priest. Et le 21 mai, la formation Quelque dice il tuono. Et ce sont les musiciens Francesca Zanetta et Niccolo Gallani qui seront avec nous pour nous présenter ces pièces. Mais comme vous le disait Michel, on y va d'abord avec une nouvelle pièce de l'album de Marco Bernard. His life in this mad house, Lunar Boy, mad has the dreams, he suffers by the visions of this whole time. Thank you. met him in a bar of Neverland. Oh, no, the boy. Boy. Pretty like an angel. Boy. He suffers by the visions boy. Of this hotel. Thank you. quanta gente che fa festa con te. E i tuoi ideali, la tua lotta non è stata vana. Thank you. Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. Fan de blues, un interprète puissant, doté d'une voix géante et d'une présence scénique imposante, s'amène à Québec. Voyez le bluesman Matt Anderson en formule full band avec The Big Bottle of Joy. Le 20 avril à l'Impérial Bell. Du bonheur pour les oreilles en vente au impérialbell.com. Six jeunes adultes se préparent pour la marche des fiertés. C'est à coups de pinceaux, de rouges à lèvres intenses, de couleurs vives et de brillants dans les cheveux que les confidences, les frustrations et les déceptions voient le jour. Une simple opinion peut-elle remettre en question une amitié? Le collectif à gorge déployée, en collaboration avec la Caisse Desjardins de Québec et Premier Acte, présente Les Fabuleuses du 11 au 22 avril. Pour plus d'informations ou pour acheter des billets, rendez-vous sur premieracte.ca. Coudon, on est-tu juste amis parce qu'on est queer? Là, je sais pas. Fais-toi en pas. Ça va, allô, ici Paul André. Et Lou Adrienne Cassidy. Ça nous fait plaisir d'être porte-parole du Radioton cette année pour le 50e anniversaire de cette extraordinaire, unique, essentielle, fantastique radio qu'est CKR. Je voudrais aimer. Je voudrais donner. Donc, on se voit entre les 28 et 30 avril prochains. À bientôt. Ciao. Je voudrais tomber en amour avec toi. Vous êtes à l'antenne de CKRL 89.1, la radio culturelle. Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard, fier partenaire de CKRL. Consultez la programmation des spectacles à venir sur lebaldulezard.com. Tel que Marc l'a annoncé tantôt, la prochaine heure de l'émission va être consacrée à deux groupes. Il s'agit de Quel qui disse il tuono et The Lost Vision of the Chandu Priest. Pourquoi faire un spécial d'une heure avec deux groupes? Il y a un lien entre les deux, et bien évidemment. Et le lien, c'est des projets de la guitariste Francesca Zanetta, qu'on a eu le plaisir de voir à l'œuvre ici à Québec dans le cadre du Festival Terra Incognita avec le groupe Unreal City, et du claviériste et flûtiste Niccolo Galani, que lui aussi on a eu le plaisir de voir à Québec avec sa formation Cellar Noise. Donc ce tandem a réalisé deux disques sous deux noms différents. En 2020, les deux musiciens ont présenté le premier album de Quel qui disse il tuono. L'album a pour titre Il velo di riflessi. Et plus récemment, en octobre dernier, le premier album de The Lost Vision of the Chandu Priest. Et c'est un disque éponyme constitué de pièces instrumentales et ça tend vers le psychédélisme, le prog space un peu atmosphérique, tandis que Quel qui disse il tuono, c'est plus, vraiment plus dans la lignée des groupes prog italiens des années 70. Incidemment, les deux groupes vont jouer en mai prochain dans le cadre de la 16e édition du festival Terra Incognita. The Lost Vision of Chandu Priest va ouvrir le samedi, alors que Quel qui disse il tuono se produira le dimanche tout juste avant la Mascherà di Cera. Et il y a encore des billets pour ce concert du dimanche 21 mai et le spectacle aura lieu à la Chapelle Spectacle. Et pour donner un avant-goût à ceux qui ne sont pas familiers avec ces deux formations, on a préparé un spécial d'une heure avec la complicité de Francesca et de Niccolo. Je leur cède donc la parole. Hello, this is Francesca. And Nick. From Quelque di Seltuano and The Lost Vision of a Chandu Priest. Thank you for having us on your radio station tonight. And you're listening to a couple of songs of our last album as Quelque di Seltuano. The first song you're going to listen is Loro Sono Me, which is actually the last song of the album, and it's about the discovery of the main character about himself having schizophrenia, but it's seen in a very positive way, since he simply decided to embrace it and let all his personalities to come up and to just live their lives. And while the other song you're going to listen in is Chi ti cammina accanto, which is about one of the personalities of the main character and the one who thinks he is God. Thank you. gridano, voglio libertà. Per me, hello, this is Francesca and Nick, and you're listening to Terra Incognita from Quebec City. Signore Eduardo, The next song is called Farewell Dog from our latest album, the instrumental psychedelic self-titled The Last Vision of the Chandu Priest. The first part of this song was born from a jam during rehearsals with me on drums and Francesca on guitar, while the second one, with flute and soft Hammond organ, is inspired by the early records of Swedish artist Bo Hansson. Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. Hi, this is Robbie Krieger from The Doors. Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. And you are listening to CKRL FM 89.1 in Quebec. Girl, you gotta love your man. Girl, you gotta love your man. Take him by the hand. Make him understand. Du 28 au 30 avril, c'est le Radioton 50 ans de CKRL. L'objectif, 50 000 $. Faites un don de 20 $ et plus et devenez membre avant le vendredi 28 avril, 17 h, et courez la chance de gagner deux prix identiques d'une valeur de 300 $ chacun, comprenant un certificat de 150 $ de la boutique Le Pédalier, une paire d'écouteurs Focal du magasin Audiolight, le spécialiste en audio vidéo, notre nouvelle bouteille en acier éco-responsable et un chandail aux couleurs de CKRL. Comment participer? Sur notre site ckrl.qc.ca, par téléphone au 418-640-2575, poste 201 ou en personne au 405 3e Avenue, à Limoilou. Le Palais Montcalm vous offre la pop rock à son meilleur avec Charlie Winston. Like a hobo from a broken home. Nothing's gonna stop me. Généreux sur scène, l'artiste britannique présente son plus récent album, As I Am, en solo. Des pièces introspectives, festives et accrocheuses. Le 27 avril, venez vibrer au son de Charlie Winston au Palais Montcalm. Détails au palaismontcalm.ca. Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard, fier partenaire de CKRL. Consultez la programmation des spectacles à venir sur lebaldulézard.com. De retour à Terra Incognita, on poursuit notre spécial sur les formations italiennes Quel qui disse il tuono et The Lost Vision of the Chandu Priest. Les deux formations vont se produire dans le cadre du festival Terra Incognita les 20 et 21 mai à la Chapelle Spectacle. Et je cède la parole à Francesca et à Nicolo. The next song you're going to listen is called Il Bastone Serpente and is about the paranoid personalities of the main character speaking, and all his very paranoid tracks emerge during the song. And this is actually the first song of the album that we composed in 2019, while another song you're going to listen is Il Paradigma dello Specchio, which is the first song of the album and where the main character just finds himself surrounded by mirrors and he sees all his personalities in each of them. Thank you. silenzio scorre il mio sangue, la mia anima scura stringe la notte, piena di niente, incubi e fate, danza nel fuoco, mondo alieno, l'uomo folle grida, Dio! Thank you. aperta e testa nuda. We'll be right back. The next song is The White Toad Majesty. We consider that song as a hit single from this album, and we dedicated it to our wonderful dog, Arjen, also known as the Toad. And the second song coming next is Floating Down the Valley, which is actually the song that made us start this project.

Francesca Zanetta et Niccolò Gallani pour leur participation à ce spécial avec Quelque lycée il tuono et The Lost Vision of the Chandu Priest qu'on aura la chance de voir dans le cadre du Festival Terra Incognita, édition 2023. Alors, dans le prochain bloc musical, on aura une formation italienne qui a pour nom Doracor. C'est le projet du claviériste et batteur Corrado Sardena. Et on aura ici un extrait de son plus récent album Passioni Postmoderne di un Musicista Errante, paru en 2016. Et c'est le plus récent album, donc 9e album pour cette formation, fondée à Rome en 1995. On aura également la formation multinationale de Tangent et un extrait de l'album A Spark in the Ether, paru en 2015, qui se voulait la suite du tout premier album The Music That Died Alone, dont la pièce d'introduction nous sert de thème, puisque l'album était paru en 2003, et c'est une nouveauté quand Terra Incognita a débuté en 2004. Alors, on aura la pièce A Spark in the Ether. Et pour débuter le bloc musical, Michel, on y va du côté de la Finlande. Oui, c'est la formation finlandaise Overhead qui nous est arrivée récemment avec un 6e album, un double en passant, qui a pour titre Telepathic Minds. Et on va écouter la pièce War to End All Wars. Even stars decay into the dark. Even in

Pour conclure l'émission ce soir, mais on a choisi une formation italienne et je serais même tenté d'ajouter une talentueuse formation italienne qui a pour nom La Torre dell'Alchimista, qui malheureusement n'a produit que 2 albums studio. Il a été question il y a quelques années d'un nouvel album, mais bon, il n'y a pas de nouvelles qui ont pointé vers cette direction-là depuis, je vous dirais, plusieurs mois. Donc, on va écouter un extrait du plus récent qui est paru quand même en 2007 et qui s'intitule Neo. C'était Marc Chonnet et Michel Bilodeau avec vous depuis 21h. Merci d'avoir été des nôtres. Revenez-nous la semaine prochaine, même heure, même poste. Et l'autoroute te suit dans quelques instants. On vous souhaite une excellente nuit à l'écoute de CKRL.